Chaque jour, elle s'habillait aux couleurs de l'été. Je sortais plutôt de l'hiver, de ses nuits glacées. Elle disait, rends belle la vie, tu auras du bonheur. Elle était sûrement de ces filles qui rendent les hommes meilleurs. Si elle était sirène, je me ferais marin. Je défierais les fées de ces mondes incertains. Un jour elle m'a dit, vous ne me croirez pas, tu sais je n'aimais que toi. Et si elle était reine de la ville engloutie, j'irais sonder les fonds au péril de ma vie. Un jour elle m'a écrit, vous ne me croirez pas, tu sais je n'aimais que toi. Elle chantait, elle souriait, rendait beaux mes matins. Dans mon cœur, elle a tout refait, elle a tout repeint. Avec elle, j'ai réappris le jour, revu le bleu du ciel. Je vivais au clair de la lune, bien trop loin du soleil. Si elle était sirène, je me ferais marin. Je défierais les fées de ces mondes incertains. Un jour elle m'a dit, vous ne me croirez pas, tu sais je n'aimais que toi. Et si elle était reine de la ville engloutie, j'irais sonder les fonds au péril de ma vie. Un jour elle m'a écrit, vous ne me croirez pas, tu sais je n'aimais que toi. Si elle était sirène, je me ferais marin. Je défierais les fées de ces mondes incertains. Un jour elle m'a dit, vous ne me croirez pas, tu sais je n'aimais que toi. Et si elle était reine de la ville engloutie, j'irais sonder les fonds au péril de ma vie. Un jour elle m'a écrit, vous ne me croirez pas, tu sais je n'aimais que toi.